Je sais que parfois on a du mal à se parler, nos mots dépassent nos pensées. Personne ne veut perdre la face, on se connaît. Aïe, ça fait mal la fierté. Je ne compte même plus le nombre de tes défauts. J'ai fini par accepter. Car dans un couple, y a des hauts et des bas. Faudrait capituler, alors viens, on part. Viens, on lave pas notre linchal devant ceux qui vont se frotter les mains. Viens, on part. J'ai pas envie que les gens se réjouissent, se disent que c'est la fin. Viens, on part. Viens, on essaye de rester calme et de finir main dans la main. Allez, viens, on part. Non, on s'est pas exposé, mais l'œil, l'œil nous a explosé. Viens, on part. Et... Vos amis donnent des conseils qui les gardent pour eux. Qui s'est bat par tes parents, personne veut ton bien. On ne s'affichera jamais maintenant, écoute-moi bien. Et même si ça va pas qu'entre nous c'est le feu, on n'a qu'à faire semblant et tu joueras le jeu. J'ai pas envie de donner le sourire à tous ces haineux. Tu veux discuter, viens on le fait entre quatre yeux. Viens on lave pas notre linchal devant ceux qui vont se frotter les mains. Viens on part. J'ai pas envie que les gens se réjouissent, se disent que c'est la fin. Viens on part. Viens on essaye de rester calme et de finir main dans la main. Allez viens on part. Non, on s'est pas exposé, mais l'œil, l'œil nous a explosé. Viens on part. Et... changer, viens, on va échanger, faut qu'on fasse l'effort pour qu'on puisse changer.